إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الخامس في دراسة هذه الرسالة للشيخ عبد الكريم بن برجس رحمه الله تعالى وغفر له، معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة. C'est notre cinquième cours autour de l'étude de cette risala de Cheikh Abdel Karim ibn Barjis, rahimahullah ta'ala, dont le titre est « Le comportement adéquat à avoir avec les gouverneurs à la lumière du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi sallatou wassalam ». Wa nahnu fi akhir al-fasl al-rabi' alladhi 'anwana lahu rahimahullah ta'ala وجوب السمع والطاعة في غير المعصية. Nous sommes donc à la fin du quatrième chapitre dont le titre est l'obligation d'écouter et d'obéir, c'est-à-dire au gouverneur, dans l'obéissance à Allah et non pas dans la désobéissance. Et il a cité un certain nombre de hadiths qui incitent au fait d'écouter et d'obéir au gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ Et fait partie de ces hadiths qui sont les preuves comme quoi il faut écouter, obéir à son gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est rapporté par l'imam muslim, le hadith de Hudayfa radiallahu anhu, qui a dit, j'ai dit, ô messager d'Allah, nous étions dans un mal, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené ce bien, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala nous a ramené l'islam. Et nous sommes dans ce bien. Est-ce que derrière ce bien, il y a un mal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et il lui repose la question, il lui dit, Hudayfa, de reposer la question à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que après ce mal, il y aura un bien? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Et il lui repose encore la question, est-ce que derrière ce bien, il y aura un mal? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Il a dit, comment faire? Comment faire dans ces cas-là? Qal yakunu ba'di. Il lui a dit, comment ça va être? Kayf? Qal yakunu ba'di a'immatu la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jutmani ins. Qal qultu kayfa asna'u ya rasul Allah in adraktu dhalik. قال تسمع وتطيع الأمير، تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. Et il lui a dit, comment ça va être, يا رسول الله? رسول الله s'est venu de lui répondre, il va y avoir des gouverneurs après moi qui vont pas être sur la même voie que moi, qui vont pas appliquer, qui vont pas se conformer à ma sunna, et il y aura avec eux des hommes dont les cœurs ce sont des cœurs de shayatin dans le corps humain. Je lui dis, ya Rasulallah, Hudayfa dit à Rasulallah, ya Rasulallah, comment faire, ô messager d'Allah? si je vis à cette époque-là, qu'est-ce que je dois faire et comment je dois agir? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tu dois écouter et obéir à ton gouverneur. Tu dois écouter et obéir à ton gouverneur. Même si tu reçois les coups de fouet sur ton dos, même s'il prend ton, on prend ton argent, tu dois écouter et obéir. وهذا الحديث يقول الشيخ رحمه الله من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. الشيخ de nous dire ce hadith est le plus il exprime d'une façon très forte l'ordre qui est arrivé à ce chapitre, à ce niveau-là, qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur. Même s'il prend ton argent, même s'il te frappe, tu dois obéir. Tu dois lui écouter, obéir dans l'obéissance à Allah. إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته وذلك غاية الضلال والفساد ونهاية الزيغ والعناد فهم لا يهتدون بالهدى النبوي بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم. Parce que le prophète ﷺ dans ce hadith, il a décrit ses imams, ses gouverneurs, comme quoi ils ne prennent pas le chemin de Rasulullah ﷺ. Ils ne se conforment pas à la sunna du prophète ﷺ. Que ce soit en ce qui les concerne, ou ce qui concerne leur famille, ou ce qui concerne les populations qu'ils gouvernent. Et ceci, c'est le summum du mal et de l'égarement. Hein? La description est très claire du prophète ﷺ. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله كما جاء مقيدا في أحاديث أخر حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك فلا يحملنك ذلك على ترك طاعتهم وعدم سماع أوامرهم فإن هذا الجرم عليهم وسيحاسبون ويجازون به يوم القيامة. Et malgré tout ça, malgré la description du mal que nous a donné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur ses gouverneurs, il a ordonné le fait de leur obéir dans l'obéissance à Allah. Et le fait de leur obéir dans l'obéissance à Allah et non pas dans la désobéissance. Comme il est conditionné dans d'autres hadiths qui conditionnent le fait qu'il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est dans ce hadith, l'ordre d'écouter et d'obéir dans le sens large du terme, il y a d'autres hadiths qui conditionnent que cette obéissance doit se faire dans l'obéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas se faire au moment où ils ordonnent le fait de désobéir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et dans ce hadith, même si la situation arrive, qu'il te fouette, qu'il te frappe, qu'il prenne ta fortune, ceci ne doit pas tout pousser à leur désobéir et à ne pas écouter leurs ordres. Parce que ce crime, il est pour eux. Ils vont rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Mais toi, tu es obligé de t'acquitter de ton devoir vis-à-vis d'eux. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لأميرك فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. Et s'il t'arrive que tu es guidé par tes passions vers le fait d'être en divergence avec cet ordre sage du messager alayhi salam et avec cette législation droite, et que tu n'écoutes pas et tu n'oublies pas ton gouverneur, tu es tombé dans le péché et tu es tombé dans ce qui est interdit. Donc la situation, elle est très claire. Le fait d'écouter et d'oublier à ce gouverneur, même s'il est injuste dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع أفضى ذلك إلى تعطل المصالح الدينية والدنيوية فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرهم وبذلك يرتفع العدل عن البلاد فتتحقق المفسدة وتلحق الجميع. Et cet ordre prophétique, c'est le summum de la justice. C'est le sommet de la justice. Qui est dans l'islam. Car celui qui a été frappé et à qui on a pris son argent, s'il n'écoute pas son gouverneur, il ne lui obéit pas. Et l'autre, et l'autre, et l'autre, hein, ceci va pousser à ce qu'il y ait le grand mal dans la religion et dans le bas monde et dans la vie quotidienne. Et l'injustice va atteindre toute la population après. Ce qui va se passer, que Hada, qui a été frappé, à qui on a pris son argent, hein, il ne va pas écouter, il va se révolter. L'autre, il va faire de même. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire la fitna, l'anarchie. Et dans ces cas-là, le gouverneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire subir le mal à tout le monde, comme vous le voyez maintenant. Hein? Et ainsi, la justice va se lever de ce pays. Et le mal va s'y instaurer. Et le mal va atteindre tout le monde. Bainama, لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الفرج وسأل الله سبحانه وتعالى الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل ولم يضع حقه عند الله سبحانه وتعالى فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. Mais si celui sur lequel a été commis une injustice, qui a été frappé, à qui on a pris son argent, il patiente, il endure, il attend, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il demande la délivrance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il écoute son gouverneur, et il obéit à son gouverneur, les biens vont s'accomplir. Les biens de la vie vont s'accomplir dans l'état, etc. Et son droit ne sera pas perdu. Soit Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner mieux, soit il lui réserve dans le delà. N'importe comment, il est le gagnant. وهذا من محاسن الشريعة فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الأئمة ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا فالحمد لله على لطفه وعباده على لطفه بعباده. Et ça fait partie de la beauté et du summum de la beauté de cette législation. Car le fait d'écouter et d'obéir ne dépend pas de la justice du gouverneur. Parce que si le fait d'écouter, l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur dépend de la justice du gouverneur, dans ce bas monde, il va y avoir les assassinats, l'anarchie complète. Et la louange a été Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui est clément et qui les fait faire des choses qui sont douces, hein, pour ses serviteurs. T'imagines, toi, si l'obéissance était conditionnée par le fait que le gouverneur il soit juste, combien de révolutions il va y avoir? Combien d'anarchie il va y avoir? Jamais, ça va être tout le temps les assassinats. Hein? Parce que le parfait, il est tout simplement dans ce que fait Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et les êtres humains fait partie de leur vie de tomber dans des erreurs et de commettre des injustices et ainsi de suite. Hein? Et c'est comme ça que akhrajahu muslim fi sahihi an Auf ibn Malik an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qala khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف فقال لا ما قاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. Et fait partie de ces hadiths qui rend obligatoire le fait d'écouter et d'obéir à son gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est rapporté par l'imam muslim de Auf ibn Malik, qui dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs de vos gouverneurs, ce sont ceux que vous aimez, et ceux qui vous aiment, et auxquels vous faites des dua, et aussi ils vous font des dua. Et les pires de vos imams, ce sont ceux que vous détestez, et qui vous détestent. Vous les maudissez, ils vous maudissent. On lui a dit à Rasulallah, dans ces cas-là, on prend les armes contre eux. Rasulallah lui a dit, non, non, tant qu'il vous laisse prier, tant que s'accomplit la prière. Hein? Et si vous voyez quelque chose que vous détestez de votre gouverneur, détestez son acte, mais ne lui désobéissez pas. Détestez l'acte qu'il fait, détestez le mal qu'il fait, mais ne lui désobéissez pas. Au fil d'un autre, إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن إذا من طاعة. Dans une autre expression, lui qui est sous la tutelle, le gouverneur d'un gouverneur, il voit que ce gouverneur fait des péchés, qu'il déteste le péché qu'accomplit le gouverneur, et qu'il ne sort pas de l'obéissance de ce gouverneur, de l'obéissance à Allah, qui doit rester. Il doit obéir à ce gouverneur dans l'obéissance à Allah, malgré, même s'il voit que ce gouverneur, il fait des péchés. ومنها ما أخرجه في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. Et fait partie du hadith 6 qui est rapporté par les deux grands imams, l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Abi Hurayra رضي الله تعالى عنه وارضاه qui a dit, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit a obéi à Allah, celui qui me désobéit a désobéi à Allah, et celui qui obéit à mon représentant, à mon émir, ben il m'a obéi, et celui qui désobéit à mon gouverneur que j'ai mis sur quelque part, ben il m'a désobéi. Ceci est clair, tu n'obéis pas au gouverneur, hein? Ben t'as désobéi, hein? Au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et de la désobéissance au messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'est directement la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu obéis à ton gouverneur dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que tu as obéi à ton messager alayhi sallallahu alayhi wa sallam, partout de là tu es dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et dans une autre expression de l'imam muslim, man yuti'i l'amira faqad ata'ani, wa man ya'si l'amira faqad asani. Et dans l'autre expression chez l'imam muslim, celui qui obéit au gouverneur, il m'a obéi. Il a obéi à qui? Al Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui désobéit au gouverneur, il m'a désobéi. Hein? وقد بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الأحكام من صحيحه فقال باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتهى كلامه رحمه الله. إيه الإمام البخاري رحمة الله عليه dans ce hadith, dans le livre des lois, dans son authentique, il a dit chapitre, il a cité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux gouverneurs parmi vous. Hein? Et la jurisprudence et la voix de l'imam Bukhari, rahimahullah, tu la prends directement dans les titres des chapitres. Donc, ça veut dire que, comme tous les puiseurs d'Allah, alayhim, imam Bukhari, rahmatullah alayh, voit l'obligation du fait d'obéir au gouverneur. Hein? قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور وهي مقيدة بغير المعصية والحكمة من في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. إيه لميموريزاتور ابن حجر رحمه الله عليه dans ce hadith il y a l'obligation d'obéir au gouverneur. Il est conditionné par le fait que cette obéissance doit se faire dans l'obéissance à Allah, il ne doit pas se faire dans la désobéissance à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le but de cet énorme ordre qui est le fait d'obéir au gouverneur, c'est pour préserver l'union, pour que les gens restent unis autour de leur gouverneur. Parce que dans l'union, il y a le bien, et dans la division sur le gouverneur, il y a le grand mal. ومنها ما أخرجه البخاري في صحيح كتاب الأحكام باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. Et fait partie de ces hadiths aussi qui te montre l'obligation, hein, d'écouter et d'obéir au gouverneur, ce qui est rapporté dans l'authentique de Bukhari. Le livre des lois, chapitre, écouter et obéir au gouverneur tant qu'il n'ordonne pas une désobéissance. Tant que ce n'est pas dans la désobéissance à Allah. De Anas ibn Malik, radiallahu anhu, il a dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez et obéissez, même si c'est un esclave éthiopien qui vous gouverne, dont la tête est comme des grains de raisin. C'est-à-dire, ils ont les cheveux à... Les cheveux sont très crépus et petits. Hein? ومنها ما أخرجه في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأترة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. Et dans ce qui est rapporté chez les deux grands imams, l'imam Bukhari et l'imam Muslim de Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, il a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a appelés, hein, pour qu'il l'entoure. Et il leur a fait l'allégeance, il leur a demandé l'allégeance. Et parmi les choses sur lesquelles il leur a fait l'allégeance, c'est qu'ils doivent écouter et obéir. Dans les choses qu'ils aiment et dans ce qu'ils n'aiment pas. Écouter et obéir dans les choses qui leur conviennent, dans les choses qui ne leur conviennent pas, au moment de l'aisance et au moment de la difficulté, et même si les gouverneurs s'accaparent du bien et de la fortune et qu'ils ne doivent pas concurrencer les gouverneurs sur leur poste, hein, et sauf s'ils voient une créance, une mécréance claire sur laquelle ils ont des preuves, min Allah Azza wa Jal. Cette expression, hein, de ce hadith, il est de l'imam Muslim. Mes chers frères, en Allah Azza wa Jal, ce n'est ni toi, ni moi, ni les minus de Facebook, ni qui que ce soit qui doit décréter la mécréance d'un gouverneur. Ce sont les dignes hommes de science de cette communauté. Hein? Ça m'appartient ni à moi ni à toi. Nous devons chacun de nous rester à sa place et se respecter et ne pas transgresser et dépasser ses limites. Hein? La mécréance, celui qui doit les déclarer, surtout en ce qui concerne les gouverneurs, parce que s'il va ramener un grand mal, ça, c'est les dignes de la communauté parmi les grands hommes de science. Hein? يقول وفي ختام هذا الفصل أذكر لك ما قرره أئمة الدعوة عند إيرادهم لطائفة من الأحاديث النبوية في هذا الباب حيث قالوا إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى من كلام الأئمة رحمة الله عليهم. Et à la fin de ce chapitre, je te cite ce qu'ont confirmé les imams de la da'wa quand ils ont ramené un certain nombre de hadiths concernant ce chapitre qui est le fait d'écouter et d'obéir au gouverneur dont l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit rahmatullah alayhim, si ces textes du Coran et de la Sunna ont été compris et que les paroles des authentificateurs parmi les hommes de science ont été compris, ces textes du Coran et ces textes de la Sunna du Prophète et ces paroles des authentificateurs parmi les hommes de science qui concernent l'obligation d'écouter et d'obéir au gouverneur et comme quoi il est interdit de le concurrencer sur son poste et de se révolter contre lui, et que les biens de la religion et les biens de ce bas monde ne seraient organisés qu'avec un gouverneur et avec un groupe. Et ils disent, il apparaît clairement que le fait de se révolter et de sortir de l'obéissance du gouverneur et de mentir sur ce gouverneur ou de prendre les armes contre ce gouverneur, c'est une désobéissance. Et c'est prendre un autre chemin que le chemin d'Allah et le chemin du messager alayhi salatu wassalam. Et c'est une divergence avec la voie sur laquelle étaient et sont les gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna. Hein? Donc ceci est très clair. Il est obligatoire pour nous d'écouter et d'obéir à nos gouverneurs, même s'ils nous fracassent le dos, même s'ils prennent notre fortune, tant qu'ils ne nous ordonnent pas le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. ويأتي الفصل الخامس في عقوبة المثبت عن ولي الأمر والمثير عليه. Et arrive le cinquième chapitre qui concerne le châtiment qui doit être donné et réservé à celui qui essaye de détourner les gens de l'obéissance au gouverneur et d'exciter les gens contre ce gouverneur. التثبيت عن ولي الأمر له صور عديدة. بعضها أشد من بعض وكذا إطارة الرعية عليه. Fait de détourner les gens, hein, du fait d'obéir à leur gouverneur, d'écouter, d'obéir à leur gouverneur, et le fait de les exciter, se fait par plusieurs cas de figure, par plusieurs façons. فإذا دعا رجل إلى التثبيت أو الإثارة فإن لولي الأمر إيقاع العقوبة المتلائمة مع جرمه من ضرب أو حبس أو نفي أو غير ذلك، لأن التثبيت والإثارة من أعظم مقدمات الخروج، والخروج من أشنع الجرائم وأبشعها، فكان ما يفضي إليه كذلك. Quand un homme appelle au fait, hein, et oriente les gens vers le fait de désobéir à leur gouverneur, il veut lui sortir de l'obéissance de leur gouverneur. Il excite les gens contre leur gouverneur. Le gouverneur, il a le droit de lui donner le châtiment qui correspond à son crime. C'est un crime. Et le gouverneur a le droit de lui faire subir le châtiment qui correspond à son crime. Qu'il soit fouetté, frappé, emprisonné ou exilé ou autre. Car le fait de inciter les gens à désobéir au gouverneur et de les exciter contre le gouverneur, c'est l'introduction vers la révolte. Ce sont les premiers pas avant la révolte. Et la révolte, c'est le pire des crimes. Hein? Et donc, celui qui incite les gens à désobéir au gouverneur fait un grand mal, parce que ce qu'il va découler après de ce mal, c'est l'anarchie. C'est des morts, des innocents qui vont mourir. C'est le gaspillage, c'est la destruction du bien public et du bien des personnes, et ainsi de suite. Les viols, et j'en passe. قال الشوكاني رحمه الله في شرح قول صاحب الأزهار ويؤدب من يثبت عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه مخطئ وبلسانه فاسق وبيده محارب. Choukani rahimahullah ta'ala, l'interprétation de celui qui a écrit l'Azhar concernant celui qui détourne les gens de l'obéissance au gouverneur, elle dit il doit recevoir la correction. Hein? Il doit recevoir la correction par le fait de l'exiler. Hein, par le fait de l'exiler. Et celui qui déteste le gouverneur avec son cœur, celui-là il est dans l'erreur. Celui qui le fait avec sa langue, c'est-à-dire qu'il parle, hein, fait comme quoi il déteste le gouverneur ou qu'il excite les gens contre ce gouverneur, c'est un pervers. Et avec ses mains, c'est un combattant. Il est en train de faire la guerre à ce gouverneur. قال وأما قوله ويؤذب من يثبت عنه فالواجب دفعه عن هذا التثبيط فإن كفى وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين ما صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، وفي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. Il dit Choukan, rahmatullah alayh, on le fait comme quoi il faut corriger, donner une correction à celui qui veut détourner les gens de l'obéissance à leur gouverneur. Il dit, il est obligatoire de repousser ce qu'il est en train de faire et de le faire arrêter. Et il mérite un énorme châtiment sévère. Et il faut lui dresser des barrières contre ce qu'il veut faire. Soit en le mettant en prison ou autre, car il est en train de commettre quelque chose qui est interdite, une énorme chose qui est interdite. Il court vers le fait de créer la fitna, durant laquelle va couler le sang, et durant lequel vont être transgressés tout. Tout ce qui est interdit va être transgressé. Les viols, les vols et ainsi de suite. Et celui qui agit ainsi, ben il est en train de désobéir à son gouverneur. Il est dans la désobéissance au gouverneur. يقول وقد ثبت في الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من نزع من يدا من طاعة الإمام فإنه يجيء يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت موتة جاهلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Et il est rapporté dans l'authentique, c'est-à-dire chez l'imam Bukhari رحمه الله, que le Rasoul صلى الله عليه وسلم dit, celui qui sort de l'obéissance de son gouverneur, le jour de la résurrection il arrive, il n'a aucune preuve pour lui. Il n'a aucune preuve pour lui. Et s'il meurt en étant séparé du groupe, en étant dans la désobéissance au gouverneur, ben il meurt la mort des gens de la période pré-islamique. C'est-à-dire, il ne meurt pas en étant mécréant, mais il meurt dans une grande désobéissance. Et la situation est énorme. Et les gens de la période pré-islamique ne voyaient pas le fait d'obéir à un émir ou à un gouverneur. وقد ذكر ابن الأزرق بعض المخالفات التي من الرعية في حق السلطان، فقال المخالفة الثانية الطعن عليه، وذلك لأمرين: أحدهما أنه خلاف ما يجب له من التجلة والتعظيم، فقد قيل من إجلال الله إجلال السلطان عادلا كان أو جائرا. ابن الأزرق رحمه الله تعالى ضمن بدائع السلك في طباع الملك أو الملك a cité certaines divergences dans laquelle tombent les populations vis-à-vis de leur gouverneur. Et il a dit, la deuxième divergence, c'est qu'il le critique, c'est qu'il le dénigre. Et il dit ceci est interdit pour deux choses. C'est le contraire du fait du respect dû à ce gouverneur. Le dénigrer, c'est le contraire du respect dû à ce gouverneur. Et il a été dit que fait partie du fait de reconnaître la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de respecter le gouverneur. Qu'il soit juste ou qu'il soit injuste. Fait partie du fait de reconnaître la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de respecter le gouverneur, qu'il soit juste ou injuste. ومن كلام الصاحب ابن عباد تهيب السلطان فرض أكيد وحتم على من ألقى السمع وهو شهيد. Fait partie des paroles de Sahib ibn Abbad, le respect du sultan, du gouverneur, est une obligation. Est une obligation. Pour tout un chacun qui écoute et qui est éveillé dans son cœur et qui est présent. الثاني أن الاشتغال به سبب تسليط السلطان جزاء على المخالفة بذلك. Et deuxièmement, parce que le fait de se préoccuper, insulter le gouverneur, hein, ça va être, ce gouverneur va s'acharner contre les personnes qui le font. Il va être sévère avec eux. Pourquoi ? Parce que justement, eux, ils sont tombés dans cette divergence, qui est le fait de ne pas respecter le gouverneur. Donc, ça va se tourner contre eux. Hein ? Regardez les prêcheurs des Ikhwan dans les années 70, dans les années 80, combien hein, se sont retrouvés dans les prisons, que ce soit en Égypte et ailleurs, etc. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ils ont subi tant de... Parce que ils sont en divergence avec la sunna du prophète, alayhi sallam, il se lève sur le manbar le vendredi, vas-y, il crache, il gerbe tout ce qu'il a comme insulte sur les gouverneurs. Sans limite. Hein ? Et après ça pleure. Le gouverneur est injuste. Il nous met en prison. Yahi, c'est toi qui as commencé. Yahi, c'est toi qui l'as excité. Yahi, c'est toi qui attises la haine contre eux, contre lui. Et c'est toi qui cherches sa colère. Yahi, si tu étais conforme à la sunna de ton prophète, alayhi sallam, et à la voix du puisé, si tu avais un conseil à lui faire, tu serais allé le voir directement, et non pas en public, à dévaler tout ce qu'il y a dans ton cœur, et à dévaler tout ce qu'il y a dans tes tripes, comme haine. Et pour attiser la haine des populations contre ce gouverneur, et créer la zizanie dans la communauté. Hein? يقول ففي بعض الكتب أن الله تعالى يقول إنني أنا الله ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه نعمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشتغلوا بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. Il rapporte une parole qui est dans les livres avant le Coran où Allah subhanahu wa ta'ala: je suis Allah, le roi des rois. Hein? Les cœurs des rois sont entre ma main. Celui qui m'obéit, je ferai en sorte que ces rois, ces gouverneurs, soient une clémence et un bienfait pour lui. Celui qui me désobéit, je vais faire qu'il soit, que ces gouverneurs soient une malédiction pour lui et un châtiment pour lui. Ne vous préoccupez pas à insulter les gouverneurs, mais plutôt repentez-vous à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et je vais faire en sorte que ces gouverneurs soient doux avec vous. C'est-à-dire, hein, nous, on n'a pas à dénigrer les gouverneurs, on a à leur faire des du'as et à se repentir de nos péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe des cœurs des gouverneurs, il les tourne comme il veut et il mettra à la douceur dans leur cœur vis-à-vis de leur population. Le mukhalafatu al-thalitha al-iftiyatu alayhi fi ta'arrudihi ta'arrudi li kulli ma huwa manutun bih wa min a'zamihi fasadan taghyiru al-munkar bil qadri alladhi la yaliqu illa bis sultan lima fi as-samh bihi wa at-tajawuz bihi ila at-taghyir alayhi. Et fait pas, il y a des divergences dans laquelle tombent les populations. Avec ce qui est dit au gouverneur, c'est le fait de faire des choses et d'accomplir des actes qui sont du domaine du gouverneur. On n'a pas le droit de s'accaparer d'actes qui ne sont du co-gouverneur. On les laisse au gouverneur. Parce que ceci est un grand mal. Et dépasser ses limites, et ceci va amener, qu'est-ce qu'il va amener après ? C'est que les gens vont essayer de changer ce gouverneur par les révoltes, etc. Ça va amener, ils vont découler un énorme mal par la suite. Donc le domaine qui est réservé au gouverneur, on le respecte, on ne s'y mise pas. C'est pas aux jeunes de faire subir les sentences à celui qui est dans l'adultère ou autre, là, l'islam. C'est le gouverneur qui doit le faire. Parce que si après, chacun fait ce qu'il veut, hein, et chacun s'accapare de l'acte que doit accomplir le gouverneur, ben il va voir l'anarchie. Hein? Et après les gens, ils vont pas se limiter à faire les sentences. Après tout un chacun qui a quelque chose à régler avec quelqu'un, il va dire je vais lui faire subir une sentence. Hein? Il a fait ceci, il a fait cela. Et ça va être le cata total. Hein? Tout un chacun qui n'aime pas quelqu'un pour une raison, il va essayer de le faire tomber sous dans quelque chose. Hein? يقول وقد سبق أن من السياسة تعجيل الأخذ على يد من يتشوق لذلك وتظهر منه مبادئ الاستظهار به وإن كان لا ينجح له سعي ولا يتم له غرض. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit, il est passé auparavant, c'est-à-dire dans Sahih al-Jarrar, dans le livre de Salk fi Tiba' al-Mulk ibn al-Azraq, que fait partie de la politique, c'est d'exécuter, de donner le châtiment à tout un chacun qui a envie d'accomplir des actes qui sont réservés au gouverneur. Quelqu'un qui fait apparaître tout simplement ceci doit recevoir le châtiment avant de le faire. Hein? يقول وبهذا يعلم أن إطارة الرعية على الولاد وتأليب العامة عليهم داء عضال تجب المبادرة إلى كيه وورم خبيث يتعين استئصاله لئلا يستفحل فيخرج خبثه فتستحكم البلية وتعظم الرزية ولا ينفع الندم عند إدين. Partant de là, on sait que le fait d'exciter les populations contre leur gouverneur et de les soulever contre leur gouverneur est une gangrène énorme, est une énorme maladie qu'il faut guérir tout de suite, à laquelle il faut donner, hein, le vaccin tout de suite. C'est, comment vous dites quand quelque chose devient impur dans un corps? Une gangrène. Non. Ah, c'est une infection impure qu'il faut raser à la racine. C'est une infection impure qu'il faut raser à la racine avant que ça augmente, avant que son mal ne se divulgue, avant que l'anarchie ne s'installe, avant que la grande cata ne s'installe. Et dans ces cas-là, le regret ne servira à rien. Dès que quelqu'un commence quelque part à parler mal du gouverneur, hein, s'il reçoit le châtiment du gouverneur, il le mérite. Parce que sans ça, c'est le début de semer la zizanie, de semer la fitna et l'anarchie. Alors si tu retournes il y a 2 mois dans les archives d'Al-Khassira, tu vas trouver ceci. Hein? Et ils auraient dû l'arrêter bien avant qu'il existe. Tu vas trouver ceci. Les gouverneurs des pays arabes, les gouverneurs de... Mais que, où sont-ils? Ils s'endorment, la justice dans les pays, etc. Pendant plus de 2 mois, ce n'est que ça. 2 mois après, regarde ce que ça fait. Simple. Retourne à l'archive, tu regardes comment ils sont les titres, comment ils sont les paroles. Et le résultat, il est là maintenant. Hein? Le résultat, il est arrivé à quoi? Que maintenant même, les avions de l'Occident sont en train de sillonner la Libye. Tu crois que, hein, c'est pour protéger les populations? Les pauvres qui vont subir, ce sont les populations, les civils eux-mêmes qui vont subir. Les premiers. Hein? Vous vous rappelez de la parole qu'il a dit le Hajjaj? Al-Hassan al-Absari? Quand il a dit hier, il est passé avec nous une parole. Quand il a entendu quelqu'un faire dua contre le Hajjaj, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te comble sa sainte miséricorde, ne le fais pas, plutôt fais-lui des dua. Parce que j'ai peur, si le Hajjaj meurt, ou si on l'enlève, que ce soit les porcs et les singes qui vous gouvernent. Hein? Je n'ai pas besoin de te faire une image là-dessus. La situation, elle est claire. Regarde ce qui se passe. Hein? Regarde ce qui s'est passé en Irak. Et auparavant, en Afghanistan. Et selon Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va se passer en Libye et ailleurs. Alors la parole des plus aïeuls t'ont rien laissé. Retourne vers la parole des plus aïeuls, comprends-les comme il se doit à la lumière de l'interprétation des hommes de science dignes du nom et à l'étude de la situation que tu as en face de toi. Claire et nette. يقول رحمه الله وأسكنه فسيح جناته فإن المثير والمثبت كفأرة السد إن تركت أغرقت العباد والبلاد وأشاعت في الأرض الفساد. Il dit رحمه الله car celui qui excite les gens contre leur gouverneur et qui incite les gens à sortir de l'obéissance à leur gouverneur, c'est comme la souris qui est en train de grignoter ce qui ferme le barrage. Si on la laisse, l'eau du barrage va engloutir le pays et les gens. Et le mal va se propager. La même chose que fera celui qui excite les gens et qui appelle les gens à désobéir et à se révolter contre leur gouvernant. La cata totale, il va faire. Et la situation, elle est très claire devant nous. يقول فيتعين على الناس عموما التكاتف لدفع المثير الساعي للفتنة وعزله كما تعزل الجرباء ونفيه من المجتمع كل حسب جهده وطاقته. Il dit dans ces cas-là, il est du devoir de tous les gens en général de s'entraider à repousser celui qui veut créer la fitna dans la communauté. Et de le mettre de côté, de le mettre à la quarantaine, quand on met à la quarantaine quelqu'un qui est atteint de la gale ou d'une maladie contagieuse. Et de l'exiler de la société. Chacun selon ses capacités. Hein? Et donc, il est de notre devoir que ces prêcheurs de la fitna, d'essayer par tous les moyens de voir avec les responsables de mosquée, etc., qu'ils les mettent de côté à l'islam. Et qu'ils épargnent la communauté de leurs perturbations. Hein? وهذا من أفضل الأعمال وأجل القرب إلى الله تعالى إذ به يندفع شر عظيم وتطفأ فتنة عمياء نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله سبحانه العاصم منها وحده. Il dit, ça fait partie des nobles actes avec lequel on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fait de couper le chemin à ceux qui excitent la communauté, qui veulent pousser la communauté à désobéir à son gouverneur. Parce que par le fait d'agir ainsi, de couper le chemin à ceux qui excitent et qui ordonnent aux gens et qui appellent les gens à désobéir à leur gouverneur, on ferme la porte d'un grand mal. Et on éteint un grand feu aveugle qui va consommer tout. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des fitanes apparentes et cachées. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala préserve. Hein? La protection, elle est d'Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Nas'aluhu bi asma'i al-husna wa sifati al-ula wa af'ali al-hamida an yu'amminana fi awtanina. ويصلح أئمتنا وولاة أمورنا ومن أراد بهذا البلد وأهله وحكامه سوءا أن يرد كيده في نحره ويجعل دائرة السوء عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Il dit, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala par ses sublimes noms et par ses beaux attributs et par ses actes loués qu'il nous donne la sécurité dans le pays, et qu'il réforme nos imams dans le bien, et nos gouverneurs dans le bien, et celui qui veut un mal pour son pays, c'est-à-dire pour l'Arabie Saoudite, et on dit pour tous les pays musulmans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala retourne son mal contre lui. Hein? et que le mal soit contre lui. Et la prière et les salutations sont sur notre prophète, alayhi salatu wassalam, ses compagnons et sa famille. Et là, à la fin, il met une risala qui est très importante. De Mohamed ibn Ibrahim, le mufti avant Cheikh ibn Baz, rahmatullah alayh. Risala muhimma min Mohamed ibn Ibrahim ila hadrat al-mukarram Cheikh al-muhtaram sallamahullah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd. De Mohamed ibn Ibrahim au noble Cheikh, respecté qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve. Donc le nom, il l'a enlevé. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ba'd. C'est une lettre que Cheikh envoie à quelqu'un, hein, qui a un petit peu des positions qui ne sont pas conformes vis-à-vis du gouverneur. Écoutez la lettre de ce, de Cheikh Mohamed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayh. بلغني أن موقفك من الإمارة ليس كما ينبغي وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية وليس من شرطها أن لا يقع منها زلل والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الديني والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير. Il lui dit, il m'a été transmis que ta position vis-à-vis du gouverneur n'est pas comme il se doit, que ta position vis-à-vis du gouverneur n'est pas comme il se doit. Et tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, que le gouvernerat, le but du gouvernerat et du gouverneur, c'est de faire le bien de la population. Et ça ne fait pas partie des conditions du gouverneur qu'il ne fasse pas d'erreur. Ça ne fait pas partie des conditions du gouverneur qu'il soit parfait et qu'il ne fasse pas d'erreur. Et celui qui est doué de raison, même celui qui n'est pas doué de raison, il connaît les bienfaits du gouverneur. Hein? Il connaît son bienfait pour la religion et pour les choses de ce bas monde. Et le bienfait qui découle du gouvernerat, hein, et du gouverneur dépasse le mal qui découle de ce gouverneur. Dépasse le mal qui découle de ce gouverneur. ومثلك إنما منصبه منصب وعظ وإرشاد وإفتاء بين المتخاصمين. Et ta position à toi, c'est la position de quelqu'un qui doit orienter et qui doit faire des exhortes et qui doit faire des fatwas et régler les litiges entre ceux qui se disputent. Il le remet à sa place. Hein? ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. Et le conseil, ce conseil doit être fait au gouverneur et à un membre de la population, il doit être fait en secret, en privé, avec une bonne intention, une intention sincère dans laquelle, de laquelle on connaît le résultat qui va être bénéfique pour l'islam et les musulmans. C'est-à-dire, si le conseil s'accomplit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, et en secret, ça va être bénéfique pour l'islam et pour les musulmans. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ عَثْرَةُ الْأَمِيرِ أَوِ الْعَطَرَاتُ نَصْبَ عَيْنَيْكِ وَالْقَاضِيَةُ عَلَى فِكْرِكَ وَالْحَاكِمَةُ عَلَى تَصَرُّفَاتِكَ بَلْ فِي السِّرِّ قُمْ بِوَاجِبِ النَّصِيحَةِ وَفِي الْعَلَانِيَةِ أَظْهِرْ وَصَرِّحْ بما أوجب الله من حق الإمارة والسمع والطاعة لها وأنها لم تأتي لجباية أموال وظلم دماء وأعراض من المسلمين ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. Et il lui dit, il faut pas que les erreurs ou l'erreur du gouverneur soit devant tes yeux et c'est elle qui t'oriente et c'est elle qui gère ta pensée et qui oriente tes réactions. En secret, en privé, accomplis ton devoir, le devoir du conseil à ce gouverneur. Et en public, montre et déclare ce qui est obligatoire vis-à-vis du gouverneur, qui est le fait d'écouter ou d'obéir à ce gouverneur. Et que Le gouvernorat n'est pas fait pour accomplir l'injustice et pour prendre l'argent et ainsi de suite. Et même si ce gouvernorat n'accomplit pas l'injustice et prend l'argent, etc., personne n'est épargné de l'erreur. Personne n'est masoum. فَأَنْتَ كُنْ وَإِيَّاهَ أَخَوَيْنَ أَحَدُهُمَا مُبَيِّنٌ وَاعِظٌ نَاصِحٌ والآخر باجل ما يجب عليه كاف عما ليس له إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه وإن قصر عومل بما أسلفت لك. Et toi, tu dois être pour lui, pour le gouvernorat et pour le gouverneur. Tu dois être un frère pour le gouverneur. En étant d'un bon exhorte qui éclaire et qui conseille et qui fait des efforts pour montrer la situation, comment on doit être avec le gouverneur, etc. Et tu dois t'abstenir de ce qui ne t'appartient pas et tu ne dois pas parler au mal sur le gouverneur et ainsi de suite. Et si le gouverneur fait du bien, tu lui fais dua. Et tu le pousses encore à faire. Et s'il est négligent, tu agis avec lui comme je t'ai dit auparavant. C'est-à-dire, tu vas le conseiller en privé. Et non pas exciter les gens. Et à se lever sur un minbar et à déclarer ses erreurs. ويقول ولا يظهر عليك عند الرعية ولا سيما المتظلمين بالباطل عتبك على الأمير وانتقادك إياه لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء وغير ما تعبدت به إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه وأن تكون جامع شمل لا مشتت مؤلف لا منفر. Il lui dit, ne fais pas apparaître chez les populations, surtout ceux qui viennent se plaindre d'une injustice, ou ceux qui viennent mentir sur le gouverneur en disant que il a été injuste avec eux. Ne montre pas tes critiques devant les populations. Car les critiques du gouverneur devant la population ne leur serviront à rien. Et c'est pas ça qui t'a été demandé. C'est pas ça ton acte d'adoration. Mais ton acte d'adoration concernant le gouverneur, c'est que tu montres les bienfaits du gouvernorat et du gouverneur. Et si erreur, y a-t-il le conseil en privé? C'est là ton acte d'adoration. Et que tu sois quelqu'un qui réunit les gens et qui unit les gens autour de leur gouverneur, non pas quelqu'un qui les disperse, Et que ce soit quelqu'un qui allie les cœurs autour de leur gouverneur et non pas quelqu'un qui fait éloigner les gens de leur gouverneur et qui leur fait détester leur gouverneur. واذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وأبي موسى يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Et il lui dit, rappelle-toi le conseil, l'ordre que le Rasoul صلى الله عليه وسلم a donné à Mu'ad et Abu Moussa al-Ash'ari. Quand ils les ont envoyés au Yémen, facilitez les situations, ne rendez pas les situations difficiles, et annoncez, donnez les bonnes nouvelles aux gens, et ne faites pas éloigner les gens, et concordez entre vous, et ne divergez pas, comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين والله ولي التوفيق والسلام عليكم. وكتب في 20 في الشهر الثامن من السنة 1375 من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ رحمه الله تعالى. Et il lui dit, et moi je t'ai pas écrit. Le but pour lequel je t'ai écrit, c'est pour te conseiller, toi et l'émir, toi et le gouverneur, pour te prodiguer le conseil, à toi et à l'émir, et à l'ensemble des musulmans, et au gouverneur des musulmans. Et seul Allah subhanahu wa ta'ala a accompli, les salam alaykoum, et ça a été écrit le 20 du mois 8 de l'an 1375 de l'Hégire, et ceci se trouve dans le recueil des fatawa de Mohammed ibn Ibrahim, rahimahullah ta'ala. Ainsi nous sommes arrivés à la fin de cette risala de Cheikh Abdelkrim ibn Barjis, rahmatullahi alayh. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que cette lecture a été bénéfique pour nous. Nous avions un petit peu compris ce fondement principal qui est le fait d'écouter et d'obéir à son gouverneur et de ne pas, dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas se révolter contre son gouverneur et de ne pas exciter les gens, ni appeler les gens à la révolte contre eux, leur gouverneur. Allah sallallahu subhanahu wa ta'ala an yirham al-shaykh wa an yuskinahu fasih jannatihi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa iyyakum ala ittiba'i sunnati al-mustafa alayhi salatu wassalam wa tabati ala manhaj as-salaf as-salih ridwanullahi alayhim wa an yuwaffiq ulata umur al-muslimin lima yuhibbu wa yardah wa an yujannib binad al-muslimin al-fitan ma dhahara minha wa ma batan innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا.